Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 93. De la fin au terme de la création de l'homme. L'image de Dieu est dans l'homme, comment elle y est? 1. L'image de Dieu est-elle dans l'homme? On lit dans la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Genèse 1. L'image de Dieu se trouve dans l'homme, mais elle n'y est pas parfaite, car, dans une image parfaite, rien ne doit manquer de ce qui est dans le modèle. La complète ressemblance ne pouvant exister qu'avec l'identité de nature, l'image parfaite de Dieu est dans son Fils propre, comme l'image du roi est dans le Fils du roi, elle n'est dans l'homme que comme l'image du roi est sur une pièce de monnaie. Voilà ce que l'Écriture nous fait entendre par ces mots, l'homme a été fait à l'image de Dieu, locution qui désigne une ressemblance éloignée. 2. L'image de Dieu est-elle dans les créatures irraisonnables? Toutes les créatures ressemblent de quelque manière à leur auteur, les unes simplement, en tant qu'être, d'autres, en tant qu'être vivant, d'autres, comme être sage et intelligent. Ces dernières sont, à bien dire, les seules qui soient à l'image de Dieu. Ce qui fait l'excellence de l'homme, dit très bien saint Augustin, c'est que Dieu lui donnant une âme intelligente, l'a créée à son image. Ainsi l'on ne saurait dire que l'image de Dieu est dans les créatures irraisonnables. 3. L'ange est-il plus à l'image de Dieu que l'homme? L'image de Dieu peut être considérée, premièrement, dans ce qui constitue proprement l'image, à savoir dans la nature intellectuelle, et, sous ce rapport, elle existe dans les anges d'une manière plus parfaite que dans l'homme, puisque leur nature intellectuelle est plus parfaite que la nôtre. L'image de Dieu peut, ensuite, être considéré d'une manière secondaire, en tant que l'on découvre dans un être une certaine imitation de Dieu. Or, comme Dieu est de Dieu, ainsi l'homme est de l'homme, comme Dieu est tout entier dans le monde et tout entier dans chaque partie du monde, ainsi l'âme est tout entière dans le corps et tout entière dans chaque partie du corps. L'image de Dieu, comprise de la sorte, se trouve plus dans l'homme que dans l'ange. Toutefois, la ressemblance radicale provenant de la nature intellectuelle, nous devons dire simplement que l'ange est plus à l'image de Dieu que l'homme. 4. L'image de Dieu est-elle dans tous les hommes sans exception? L'image divine peut être considérée dans les hommes sous trois aspects. D'abord, en ce qu'ils sont doués d'une aptitude naturelle à connaître et à aimer Dieu. Or, cette aptitude, qui provient de la nature même de l'esprit humain, est commune à tous. Sous ce rapport, l'image de Dieu est dans tous les hommes. Elle peut être considérée, ensuite, en tant que l'homme connaît et aime Dieu actuellement ou habituellement, quoique d'une manière imparfaite. Cette image, qui résulte de la grâce, ne se trouve que dans les âmes justes. Troisièmement, enfin, elle peut être considérée en tant que l'homme connaît et aime Dieu actuellement et parfaitement, une telle image est celle des bienheureux dans la gloire. On distingue ainsi une triple image de Dieu dans les hommes, celle de la création et dans tous sans exception, celle de la réconciliation par la grâce se trouve dans les justes, celle de la similitude de gloire réside dans les bienheureux. 5. L'image de la Trinité est-elle dans l'homme? L'image de Dieu est dans l'homme, non seulement quant à la nature divine, mais quant à la Trinité des personnes, par suite de cette vérité qu'en Dieu une seule nature existe dans trois personnes. Aussi ces paroles, « Faisons l'homme à notre image », signifie-t-elle que la Trinité, qui est Dieu, fit l'homme à son image, à l'image de la Trinité. L'homme, dit saint Hilaire, représente en lui la pluralité des personnes divines, par là même qu'il a été fait à l'image de Dieu. Note. Nous sommes loin de nier, toutefois, l'extrême différence qui existe entre la Trinité divine et celle qui est en nous. Nous voyons celle-ci, dit saint Augustin, au lieu que nous croyons celle-là. Fin de la note. 6. L'image de Dieu est-elle seulement dans l'âme de l'homme? La ressemblance de Dieu, qui, partout ailleurs, n'est que trace ou vestige, prend, dans la créature raisonnable, le nom d'image. Or, la créature raisonnable ne s'élève au-dessus des êtres dénués de raison que par son âme. Par conséquent, dans l'homme, l'image de Dieu n'appartient qu'à l'âme. Les autres parties de son être ne contiennent que la ressemblance de vestiges, comme les divers corps dans la structure desquels on aperçoit certaines marques de l'intelligence qui les a formés, avec cette différence, toutefois, que, bien supérieur au corps des autres animaux, celui de l'homme fait entrevoir dans son admirable conformation un reflet extérieur de la divine image que nous portons dans notre âme. 7. L'image de Dieu se peint-elle surtout dans les actes de notre âme? Le Verbe divin, qui procède du Père comme sa parole, et l'amour qui unit ces deux personnes, ne saurait être bien représenté dans une âme que par l'exercice actuel de l'intelligence. C'est pourquoi l'image de la Trinité apparaît, principalement et avant tout, dans les actes de notre âme, lorsque nous formons notre verbe intérieur au moyen de notre pensée, et que de là nous passons à l'amour. Mais, comme les habitudes et les facultés sont les principes des actes, et que chaque chose est virtuellement dans son principe, il arrive que, secondairement et par voie de conséquence, l'image de la Trinité existe virtuellement dans les facultés et surtout dans les habitudes de l'âme humaine, en tant que les actes eux-mêmes y existent virtuellement. L'intelligence, la connaissance et l'amour, voilà ce qui retrace en nous l'image divine. Note. Les actes de l'intelligence n'existent pas à tous les instants, par exemple, pendant le sommeil, où l'âme n'est pas en exercice, mais ils subsistent alors dans leurs principes, qui sont les facultés et les habitudes. Comme l'a dit saint Augustin, l'âme raisonnable, qui a été faite à l'image de Dieu en ce qu'elle peut le connaître et le contempler, apporter l'image divine en elle-même dès le premier moment de son existence. Fin de la note. 8. L'image de la divine Trinité est-elle dans l'âme seulement par rapport à son objet qui est Dieu? L'image emporte une ressemblance qui, d'une certaine façon, représente l'espèce. Il faut donc que l'image de la Trinité soit prise en nous de ce qui représente spécifiquement, dans les limites du possible, les personnes divines, qui se distinguent entre elles par la génération du Verbe venant du Père, et par la procession de l'amour, car le Verbe naît de Dieu dans la connaissance que Dieu a de lui-même, et l'amour procède de Dieu, parce que Dieu s'aime lui-même. La diversité des objets connus et aimés diversifiant en nous l'espèce de la pensée et de l'amour, il est nécessaire que l'image divine, qui doit représenter en nous les personnes divines sous le rapport de l'espèce, soit prise de l'élévation de notre esprit vers Dieu et de l'amour qui en dérive. L'image de Dieu, en d'autres termes, existe dans nos âmes, parce qu'elles se portent ou sont faites pour se porter vers Dieu. Toutefois, on se porte vers un objet de deux manières, immédiatement et médiatement. Voilà pourquoi saint Augustin disait, « Notre esprit, se repliant sur lui-même, se connaît et s'aime. » En voyant cela, nous voyons une trinité, non pas encore la Trinité divine, mais déjà son image. Il voulait faire entendre que l'image de la Trinité est dans notre âme, non en tant que l'âme se considère elle-même, mais en tant qu'elle peut, en partant de là, s'élever à Dieu par la connaissance et par l'amour. Note. On voit pourquoi l'image divine, qui, dans les hommes privés de l'usage de la raison, est oblitérée et presque nulle, et qui, dans les pécheurs, est obscurcie et défigurée, brille avec éclat chez les âmes justes. Fin de la note. 9. La ressemblance est-elle avec raison distinguée de l'image? La ressemblance désigne tantôt une certaine disposition ou préparation à l'image, et alors elle est plus générale dans sa notion, d'autres fois, au contraire, elle marque la perfection de l'image, car, pour signifier qu'une image est parfaite, nous disons qu'elle est ressemblante. Ces principes admis, si on prend la ressemblance comme antérieure à l'image et comme existant dans un plus grand nombre de sujets, il faut dire que l'intelligence de l'homme a été faite à l'image de Dieu, et que les autres facultés de l'âme et du corps ont été faites à sa ressemblance. Que, si, au contraire, on entend par ressemblance la perfection de l'image, on doit attribuer à l'image l'intelligence, le libre arbitre, la spontanéité, et dire ensuite, avec saint Jean Damascène, que la ressemblance s'entend de la sainteté possible à l'homme. Dans ce dernier cas, la ressemblance est le complément de l'image, dont elle indique la perfection, et elle se rattache, comme on voit, à l'amour de la vertu. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.